plus ça. Personnage dans Alice au Pays des Merveilles que j'aime particulièrement. C'est le chapelier fou. Qui certes est fou. Mais les fous sont comme les horloges cassées. Ils peuvent dire la vérité deux fois par jour. Et cette vérité en cette période de conformisme et d'injonction consumériste est la suivante. À quoi bon fêter une fois par an un événement alors qu'on peut fêter 364 non-événements comme bon nous semble. Faites de votre vie quelque chose de singulier, de personnel, d'intime. Quelque chose que vous ne regretterez pas à la fin. Bonsoir. Bienvenue aux Dionautes. Vagabond des fréquences modulées, arpenteur des émotions sonores. Passager d'un monde en forme de grand 8, dont vous ne contrôlez pas la trajectoire. Vous écoutez en direct la 11e heure de Tokyo Mental sur Radio Pulsar 95.9 à Poitiers et ses environs. Et sur radio-pulsar.org en streaming mondial. Ce soir, nous allons encore arpenter les chemins de traverse de ma Tokyo imaginaire. Ce soir, nous allons encore aller dans ce non-endroit qu'est ma galaxie cérébrale. Ce soir, nous allons encore nous laissant emporter par les émotions sonores et laisser notre psyché nous raconter des histoires. Des histoires de souvenirs, des histoires de regrets, des histoires d'amour, des histoires d'espoir, de tristesse, des histoires de la condition humaine et ses intemporels dilemmes. Bonsoir. Je suis votre narrateur pour les 60 prochaines minutes, et nous tous. Nous sommes les faiseurs de musique et nous sommes les rêveurs du rêve. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. Le voyage commence. Le voyage vers Tokyo Mental. The next station is Tokyo. この電車は山手線外回り品川渋谷方面行きです。 僕の子犬がいなくなった白い足白い尻尾ずっと

何なんだって あ, あいつ ひえやばいぜこいつおいあんた病院へ運ばなきゃ あじゃあ救急車だ動かしちゃダメだぜ あの力には触れてはならんのかもしれんな。 ってさ、一生の間にいろんなことするでしょ。何かを発見したり作ったり、家とかオートバイとか、橋や町やロケット、そんな知識とかエネルギーってどっから来るのか。 さあどうしたのかな、言ってごらん。 夢を見たの。 夢？ 街が黒い影に包まれて壊れていくの。私たちはもう一度アキラ君に会ったの。 アキラ、 おう、よせ鉄夫。大人といえばお前が人のバイクを勝手に乗り回したとか悪いんだけど、もうやめろ。 許さない。俺に目で見るな。 心配してたんだぞ。 アキラって絶対のエネルギーなんだって。 られていた力が解放されつつあるようです。急速に覚醒した力をコントロールできないのではないでしょうか。な状態です。 金だ、おめえが目障りだったんだよ。いつも子供扱いだ。どこにでも出てきてボスボス出てやがる。 おめえもボスになったんだろ、この瓦礫の山でよ。 金だ、 缶をつけろよデコつけ野郎。 Yeah. Clashy関係, 昼間透かしてく Thank you.

보라. Qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 21h sur l'antenne de Radio Bulsard. À plus. Thank you.